joli, car enfin je suis en vie. Ne sois pas triste, je referai ma liste. La tienne ne la change pas, mais si possible reste par là. Pas au sens propre, fais pas le philanthrope. Voyage, découvre le monde sans penser que je succombe. Je parle et je ris, ça pourrait être pire, même si je pleure dans mon lit. Et parfois j'aimerais mourir, mais on se plaint tous, vois moi les autres. T'aimerais une copine, moi j'aimerais lever mon dos. La vie nous offre parfois repos, c'est un peu chien de sa part, mais hier n'est pas maintenant, alors ne sois pas triste. M'avait regardé, j'espère que j'aurais su trouver ces mots, j'espère que j'aurais continué d'être beau, qu'on ne me voit pas comme le mec à l'eau, que je sens en moi autre chose qu'un fardeau, que ma tête me porte plus loin que mes jambes, car si celles-ci sont mortes, mon cœur lui flambe. Je perçois l'amour où les autres s'aveuglent, je perçois nos richesses même quand l'on meugle, comme des animaux dotés d'une pensée, car nous sommes beaux même dans nos péchés. J'espère que j'aurai su savoir te dire que je suis vivant, que j'aime encore rire, alors fais-moi une blague et ne me vois pas comme un mort en sursis, ou pire souvenir d'autrefois.